إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 26 dans la série des Durus al-Mulakhas al-Fiqhi et on est arrivé au chapitre aujourd'hui qui est Babun fi Bayan Ahkam al-Imama, c'est-à-dire un chapitre dans ce qui concerne la clarification des règles de l'imam, c'est-à-dire les règles en ce qui concerne l'imam, comment choisir l'imam et c'est quoi les caractéristiques de l'imam et c'est quoi ses responsabilités et ses droits. Donc le cheikh dit هذه الوظيفة الدينية المهمة التي تولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وتولاها خلفاؤه الراشدون. Ça c'est une responsabilité religieuse importante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même pris en charge durant sa vie par lui-même et ensuite après lui ses successeurs, ses successeurs bien guidés. وقد جاء في فضل الإمامة أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على كثماني على كثبان المسك يوم القيامة رجل أما قوما وهم به راضون. Le cheikh il rapporte ce hadith qui est rapporté selon Ibn Omar par l'imam Ahmad et At-Tirmidhi. Toutefois c'est un hadith qui est daif, il est dans Daif al-Jami' al-Saghir, le hadith 2579. Et donc c'est un hadith qui mentionne qu'il y a trois personnes qui vont avoir une récompense spécifique et annulée au jugement dernier. Puis parmi ces trois types de personnes-là, il y avait la mention de l'imam qui dirige les gens dans la prière alors qu'ils sont satisfaits de lui. Toutefois, c'est un hadith daif. Et il en mentionne un autre qui dit « Inna lahu min al-ajr mithlu ajri man salla khalfa ». Il dit qu'ils auront la récompense, il aura la récompense, c'est-à-dire celui qui a guidé les gens dans la prière, il aura la même récompense que ceux qui ont prié derrière lui, et il n'a pas mentionné de référence. Ensuite, le cheikh dit, ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي ولما يعلمون في ذلك من الفضيلة والأجر. Le cheikh il dit qu'il y a parmi les sahaba certains qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire d'eux des imams pour leur peuple parce qu'ils savaient l'importance et le mérite et la récompense d'être imam. Et ça s'est rapporté dans un hadith selon Uthman ibn Abi al-As, par Ahmad Abu Daoud et An-Nasa'i. Et le hadith est sahih dans Irwa al-Ghalil. C'est le hadith numéro 1492. Le cheikh il dit ولكن مع الأسف الشديد نرى في وقتنا هذا كثيرا من طلبة العلم يرغبون عن الإمامة ويزهدون فيها ويتخلون عن القيام بها إثارة للكسل وقلة رغبة في الخير وقلة رغبة في الخير وما هذا إلا تخذيل من الشيطان. فالذي ينبغي لهم القيام بها بجد ونشاط واحتساب للأجر عن الله، فإن طلبة العلم أولى الناس بالقيام بها وبغيرها من الأعمال الصالحة. Donc le cheikh il dit que c'est très dommage de voir que il y a beaucoup de, à notre époque il y a beaucoup de, d'étudiants, des gens qui étudient l'ilm, il y en a qui cherchent la connaissance, qui ne, il y en a, c'est-à-dire on dirait qu'ils n'ont pas d'intérêt pour cette responsabilité d'imam et de faire le, de prendre la, le rôle d'être imam, et ils s'en éloignent, c'est-à-dire ils prennent pas ça comme quelque chose. C'est-à-dire, c'est comme s'ils ne recherchent pas cette responsabilité-là en réalité. Et ils s'éloignent du fait de la prendre en charge, puis de s'en occuper et de prendre cette responsabilité-là, parce qu'ils préfèrent la paresse et qu'ils ont peu d'intérêt à rechercher le bien. Et ça, ce n'est qu'à cause du shaitan qui a joué des tours. Il dit que c'est important pour eux en fait, et c'est quelque chose qui est nécessaire pour eux de prendre cette responsabilité-là avec sérieux et avec beaucoup de motivation, et en recherchant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, car les gens qui recherchent la science de l'islam sont les gens qui sont les plus bien placés pour prendre cette responsabilité-là et pour prendre les autres responsabilité parmi les bonnes actions qui sont commandées par l'islam. Et le cheikh il dit wa kullama tawaffarat muahilat al-imama fi shakhs kana awla bil qiyam biha mimman huwa duna bal yata'ayyanu alayhi al qiyam biha idha lam yujad ghayru. Le cheikh il dit que chaque fois qu'une personne possède les qualités qui sont nécessaires pour être imam, eh ben il faut que cette personne-là prenne la responsabilité c'est préférable que ce soit lui qui le fasse plutôt que quelqu'un d'autre qui est disons moins apte à le faire que lui. Et il dit que dans certains cas même ça peut être obligatoire pour une personne en particulier de prendre cette responsabilité-là si il n'y a pas personne d'autre qui est capable de le faire. Donc une fois que les capacités, disons les qualités, puis les choses qu'on recherche dans un imam sont présentes dans une personne, eh bien c'est préférable pour lui que ce soit cette personne-là qui prenne la charge d'être imam. Ensuite le cheikh il dit فالأولى بالإمامة الأجود قراءة لكتاب الله وهو الذي يجيد قراءة القرآن بأن يعرف مخارج الحروف ولا يلحن فيها ويطبق قواعد القراءة من غير تكلف. Donc le cheikh il dit la meilleure personne pour faire l'imam c'est celle qui récite le mieux le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est celui qui récite le Coran comme il faut, qui sait bien comment réciter le Coran, et il connaît donc makharij al-huruf, c'est-à-dire il connaît bien la sortie des lettres comment les prononcer comme il faut, et il ne fait pas d'erreur dans sa récitation, c'est-à-dire il ne récite pas les mots d'une façon qui les déforme ou qui change leur signification, et il applique les règles de la lecture du Coran sans trop de difficultés et sans exagération non plus. Et en même temps, le cheikh il dit wala tanattu' wa yakunu ma'a dhalika ya'rif fiqh salatihi wa ma yalzimu fiha ka shurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa mubtilatiha liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam ya ummul qawm aqra'uhum li kitabillahi. Donc le cheikh il dit que il faut que la personne qui soit l'imam connaisse également ce qui est nécessaire dans la prière, parmi les conditions de la prière et les piliers de la prière, ainsi que ses obligations et ce qui annule la prière également. Donc le cheikh il dit que Ça, c'est basé sur une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée par Al-Bukhari dans ses notes et par l'imam muslim également. Donc, ce hadith-là, ça dit que la personne qui soit l'imam ou qui dirige les gens dans la prière, que ce soit la personne qui a le plus de connaissance du livre d'Allah, ou bien qui récite mieux le livre d'Allah. Aqra'ukum. لكتاب الله d'accord. Après le cheikh il dit وما ورد بمعناه من الاحاديث الصحيحة مما يدل على أنه يقدم في الإمامة الأجود قراءة للقرآن الكريم الذي يعلم فقه الصلاة لأن الأقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفقه. Le cheikh il dit que également c'est rapporté par, dans d'autres hadiths cette signification là dans d'autres hadiths authentiques, et ça, ça prouve que la personne qui doit être mise de l'avant pour être imam, ça doit être la personne qui récite le mieux le Coran, et la personne qui a une meilleure connaissance de, des règles de fiqh au sujet de la salat. Car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui récitaient le mieux, c'était les gens qui avaient la meilleure connaissance dans les règles de la prière. Après le cheikh il dit فَإِذَا اسْتَوَوْا فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَ قُدِّمَ الْأَفْقَى أي الْأَكْثَرُ فِقْهًا لِجَمْعِهِ بَيْنَ الْمِيزَتَيْنِ الْقِرَاءَ وَالْفِقْهِ لقوله صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة أي أفقههم في دين الله لأن الاحتياج المصلي إلى الفقه أكثر من احتياجه إلى القراءة لأن ما يوجب أو لأن ما يجب في الصلاة من القراءة محصور وما يقع فيه فيها من الحوادث غير محصور. الشيخ الزي lorsque les deux personnes sont égales dans la récitation et dans le fiqh, lorsque les deux personnes sont équivalentes dans la récitation, c'est-à-dire deux personnes récitent presque pareil ou bien les deux récitent bien également, eh ben on fait passer celle qui a plus de fiqh, plus de connaissances des règles de la prière et de la religion au-dessus de celui qui a seulement la bonne récitation. C'est-à-dire celui qui a réuni les deux ensemble, le fiqh et la récitation en même temps. Le cheikh il dit, ça c'est basé sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, et s'ils sont tous les deux égaux dans la récitation, eh bien dans ce cas-là, celui qui a plus de connaissances de la sunna, c'est-à-dire celui qui a plus de connaissances dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la connaissance pour la prière, il dit que la personne qui fait la prière, elle a plus besoin de fiqh qu'elle a besoin de quelqu'un qui récite bien. Parce que qu'est-ce qui est obligatoire dans la prière au sujet de la récitation, c'est limité, tandis que les erreurs et les accidents qui peuvent se produire dans la prière sont moins limités, sont pas limités. Donc, les accidents qui peuvent se produire sont pas limités, c'est-à-dire il peut y arriver toutes sortes d'affaires dans la prière, et si on connaît pas bien le fiqh, on saura pas comment régler le problème. Donc, c'est toujours mieux de connaître bien le fiqh comme il faut. Le cheikh il dit ensuite, فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَ قُدِّمَ الْأَقْدَمُ هِجْرَةً والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. Donc le cheikh il dit que si tous les deux sont égaux dans la récitation et dans le fiqh, dans ce cas-là on fait passer de l'avant la personne qui est le plus ancien dans son hijra. C'est-à-dire le hijra, c'est de quitter un pays de shirk vers un pays de l'islam. Et le cheikh il dit ensuite que si فَإِذَا اسْتَوُوا فِي الْقِرَاءَةِ وَالْفِقْهِ وَالْهِجْرَةِ قدم الأكبر سنا لقوله صلى الله عليه وسلم وليأمكم أكبركم متفق عليه. Ça, le cheikh il dit que si tous les deux sont égaux dans les trois choses, c'est-à-dire dans le fiqh, dans la récitation, dans le fiqh et dans le hijra, on fait passer devant la personne qui a plus d'âge, c'est-à-dire qui est plus âgée. parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui est plus âgé d'entre vous vous dirige en prière. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim également. Et il dit parce que Cheikh dit anna kibar as-sin fi l'islam fadila wa li annahu aqrab ila al-khushu'i wa ijabati ad-du'a. Cheikh il dit que pourquoi ça, c'est parce que dans l'islam il y a un mérite pour la personne qui est plus âgée, hein. Il y a un mérite pour la personne qui est plus âgée, et de même que sa prière est plus disons, il a plus de concentration dans sa prière et il est plus près de que son doigt soit exaucé. Le cheikh dit ensuite wa dalil ala hadha at-tartib al-hadith alladhi rawahu muslimun عن أبي هريرة عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. Donc le cheikh il dit que la preuve pour l'ordre qu'on a mentionné, dans lequel on a mentionné ces choses-là, c'est rapporté dans un hadith authentique que l'imam muslim a rapporté selon Abi Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne qui récite le mieux le Coran soit celui qui vous dirige dans la prière. Et si tous les deux sont, ou bien si ils sont égaux dans la récitation, alors la plus connaissante au sujet de la sunna. Et si ils sont égaux dans la sunna, alors la personne qui est plus ancienne dans le hijra. Et si ils sont égaux dans le hijra, alors la plus âgée. Ensuite, le cheikh il dit, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضيلة بالعلم بالكتاب والسنة فإن استووا في العلم قدم بالسبق إلى العمل الصالح وقدم السابق باختياره إلى العمل الصالح وهو المهاجر على من سبق بخلق الله وهو كبر السن. Le cheikh il dit que le Ibn Taymiyyah a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait précéder le mérite de la science du Coran et de la Sunna, le mérite de celui qui a la connaissance du Coran et de la Sunna. Ici il y a une égalité au sujet de la connaissance, alors dans ce cas-là on fait passer celui qui est plus, disons, qui a dépassé les autres dans les bonnes œuvres. نعم وقدم السابق باختياره الى العمل الصالح, c'est-à-dire celui qui a fait des bonnes actions volontairement, on le fait passer devant, c'est-à-dire il mentionne le muhajir, c'est-à-dire celui qui a fait le hijra, et ensuite on fait suivre celui-là, c'est-à-dire s'ils sont égaux dans le hijra, alors dans ce cas-là dans quelque chose qui a rapport avec la création d'Allah, c'est-à-dire l'âge. Ok, donc ça c'est la fin de la citation. Ensuite il dit wa hunaka i'tibaratun yuqaddamu ashabuha fil imamati ala man hadara walau kana afdal minhu wa hiya. Il dit qu'il y a certaines considérations et certaines situations dans lesquelles on fait passer quelqu'un on le fait passer en avant comme en tant qu'imam, même si quelqu'un de mieux que lui est présent. Donc dans certaines situations, on fait passer quelqu'un par devant celui qui est meilleur que lui, et on va mentionner ces différents cas-là. Le cheikh il dit أولا إمام المسجد الراتب إذا كان أهلا للإمامة لم يجوز أن يتقدم عليه غيره ولو كان أفضل منه إلا بإذنه. Cheikh dit, s'il y a un imam qui est établi fixe dans une mosquée et qu'il a les conditions pour être un imam, c'est c'est-à-dire il récite comme il faut, puis il connaît les règles de la prière, alors c'est pas permis de faire passer quiconque devant lui, même s'il est meilleur que lui, sauf par sa permission. Hein? De même que, deuxièmement, ثانياً, صاحب البيت إذا كان يصلح للإمامة لم يجوز أن يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه. De même que, deuxièmement, le propriétaire d'une maison, s'il est apte à être imam, il n'est pas permis à personne de se mettre devant lui ou d'être imam à sa place, excepté par sa permission. Et troisièmement, le cheikh il dit, As-Sultan, wa huwa al-imam al-a'zam aw na'ibuhu, فلا يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه إذا كان يصلح للإمامة. Le cheikh il dit que le sultan, c'est-à-dire le chef ou le dirigeant, hein, l'autorité supérieure dans le pays, si lui ou bien son représentant, s'il est là, personne n'a le droit de se précéder ou de prier devant lui. Ou d'être imam à sa place, excepté avec sa permission, s'il est apte à être imam. D'accord? Donc ça, c'est les cas dans lesquels quelqu'un doit être imam, on laisse quelqu'un être imam, même s'il y a quelqu'un présent qui est meilleur que lui, dans la récitation et dans la connaissance. D'accord? Et le cheikh il dit, « والدليل على تقديم أصحاب هذه الاعتبارات على غيرهم ما روى أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم لا يأم الرجل في بيته إلا ولا في سلطانه إلا بإذنه. Ça c'est un hadith qui est rapporté selon Abu Dawood par selon Abu Mas'ud al-Badri qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que personne ne peut être imam dans la maison d'une personne excepté sans sa permission, de même que personne ne peut être imam si le sultan est présent, c'est-à-dire lorsque le dirigeant est là ou bien lorsque tu es dans la maison de quelqu'un, eh bien, personne ne peut être imam dans ce cas-là excepté par leur permission. Et ça c'est rapporté par Abu Daoud comme on a dit, et il est sahih dans Sahih Abi Daoud. Et le même hadith, ou bien pas le même exactement, mais la même signification est mentionnée dans un hadith de l'imam muslim, hadith authentique, qui dit « La ya'ummanna rajulu ar-rajula fi ahlihi wa la fi sultanihi illa bi'ithni. » Le cheikh il dit qu'une personne ne peut pas être imam dans la maison d'une personne, ou dans la famille d'une personne, de même que dans son autorité, excepté par sa permission. Et le cheikh dit wa sultanuhu mahallu wilayatihi aw ma yamliku, c'est-à-dire sultanuhu, c'est-à-dire l'endroit où il est, disons, il a une autorité ou dans sa propriété. D'accord? Et le cheikh dit qala al-Khattabi ma'nahu anna sahib al-manzil أولى بالإمامة في بيته إذا كان من القراءة أو العلم بمحل يمكنه أن يقيم الصلاة. الشيخ dit que l'imam al-Khattabi a dit que la personne qui est apte à être imam, il connaît la récitation, puis il sait les règles de la prière, et bien celui-là, personne n'a le droit de se mettre devant lui pour être imam dans sa maison. D'accord, s'il est chez lui, c'est lui qui doit être imam, excepté s'il donne la permission à quelqu'un d'être imam à sa place. Et ça c'est dans c'est les paroles de Al-Khattabi dans Ma'alim As-Sunan. Cheikh il dit wa idha kana al-imam aw wa idha kana imam al-masjid qad wallahu as-sultan aw na'ibahu aw ittafaqa ala taqdimihi ahlu al-masjid fa huwa ahq لأنها ولاية خاصة ولأن التقدم عليه يسيء الظن به وينفر عنه. Donc le cheikh il dit que également, Il dit que si une personne a été choisie comme étant imam, soit par le dirigeant ou son représentant, ou également que les gens de la mosquée se sont mis d'accord pour qu'il soit imam, alors il a plus le droit d'être imam que quiconque. Et ça, c'est une forme de, disons, une forme de responsabilité spécifique, que c'est lui le dirigeant dans cette mosquée-là, et il doit être mis de l'avant. Sinon, ça va amener les gens à avoir une mauvaise idée de lui, et ça va faire fuir les gens de lui. D'accord? Après, il dit, وَمِمَّا تَقَدَّمَ يَتَبَيَّنُ لَكَ شَرَفُ الْإِمَامَ فِي الصَّلَةِ وَفَضْلُهَا وَمَكَانَتُهَا فِي الْإِسْلَامِ لأن الإمامة في الصلاة قدوة والإمامة مرتبة شريفة في فهي سبق إلى الخير وعون على الطاعة وملازمة الجماعة وبها تعمر المساجد بالطاعة وهي داخلة في عموم قوله تعالى فيما حكاه من دعاء عبد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Le cheikh il dit que d'après ce qu'on a, d'après ce qui a précédé, on peut comprendre yani la position importante dans l'islam qu'occupe l'imam dans la prière et son mérite, parce que l'imam est en réalité un genre de modèle, et c'est un niveau très noble dans la religion. Et également, le cheikh il dit, parce que le fait que c'est une précédence dans le bien, la personne qui est imam, c'est comme s'il précède les autres dans le bien, et il aide les autres à l'obéissance et à suivre le groupe et à rester avec le groupe. Et yani, c'est grâce à l'imam que, disons, les mosquées sont peuplées avec l'obéissance, etc. Et donc, ça fait partie du dua général qui est mentionné dans les duas des gens qui font partie des serviteurs de Ar-Rahman, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Furqan, le verset 74. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos des serviteurs, de ses serviteurs, il dit, et qui disent, Seigneur, donne-nous en nos épouses et en nos descendants la joie des yeux, et fais de nous un guide pour les pieux, fais de nous un imam pour les pieux. Donc ça, c'est une forme de dua. وجعلنا للمتقين إماما فالإمام في الصلاة من الإمامة في الدين ولا سيما إذا كان الإمام يبذل النصح والوعظ والتذكير لمن يحضره في المسجد فإنه بذلك من الدعاة إلى الله الذين يجمعون بين الصالح القول والعمل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فلا يرغب عن القيام بالإمامة إلا محروم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Le cheikh il dit que d'être imam dans la prière, ça fait partie d'être imam dans la religion. C'est-à-dire d'être un guide dans la prière, ça fait partie d'être un guide dans la religion également. Et en particulier si l'imam, disons, profite de sa situation d'imam pour donner le bon conseil aux musulmans et de leur donner une exhortation et de les rappeler. Rappeler les gens qui viennent prier avec lui dans la mosquée. Alors, dans ce cas-là, celui qui fait ça, il fait partie des du'at, les gens qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont réuni la bonne parole et les bonnes œuvres. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Hein? Le cheikh dit ce verset dans Surat Fussilat, le verset 33, qui dit, et qui est meilleur en parole que celui qui appelle à Allah et qui fait des bonnes œuvres et qui dit, je suis parmi les musulmans. Donc, le cheikh il dit que quiconque délaisse ou disons laisse tomber ou ne prend pas la charge d'être imam, alors c'est comme quelqu'un qui a été privé, qui a été privé d'un grand bien. Et donc, la hawla wa la quwwata illa billah, il termine par cette parole en disant la hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite, il y a le prochain chapitre qui est Babun fi ma la tasihhu imamatuhu fi salah. C'est un chapitre fi man la tasihhu salah ou fi man la tasihhu imamatuhu fi salah. Un chapitre au sujet de la personne qui ne peut pas, disons qui ne peut pas être imam dans la salah, ou que le fait qu'il soit imam n'est pas accepté. Ok. الشيخ يقول إن الإمامة في الصلاة مسؤولية كبرى كما أنها تحتاج إلى مؤهلات يجب توافرها في الإمام أو يستحب تحليه بها كذلك يجب أن يكون الإمام سليما من صفات تمنعه من تسنم هذا المنصب أو تنقصه أو تنقص أهليته له. Voilà. Cheikh dit que d'être imam pour la prière, c'est une grande responsabilité. Et on a besoin donc pour ce poste ou bien pour cette responsabilité-là, on a besoin de posséder certaines caractéristiques qu'il faut absolument posséder. Elles sont obligatoires. Et il y en a d'autres qui sont obligatoires, il y en a d'autres qui sont recommandées. Hein? Et le cheikh il dit wakadalika, et de même il est obligatoire pour l'imam qu'il soit exempt ou qu'il ne possède pas certaines caractéristiques, certaines mauvaises caractéristiques qui vont faire en sorte qu'il ne pourra pas occuper ce poste ou bien qui vont diminuer son aptitude à être imam. D'accord? Donc certaines mauvaises qualités, elles doivent pas être en lui. Je pourrais dire certains défauts, yani, plutôt que certaines mauvaises qualités. Le cheikh il dit فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوَلَّ الْفَاسِقِ إِمَامَةَ الصَّلَةِ وَالْفَاسِقُ هُوَ مَنْ خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْاِسْتِقَامَةِ بِارْتِكَابِ كَبِيرَةٍ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ أَلَّتِي هِيَ دُونَ الشِّرْكِ. Donc le cheikh il dit qu'il n'est pas permis pour la personne qui a un fisq, qui est un fasiq, d'être imam dans la prière. Et le fasiq, c'est celui qui est sorti de la limite de la droiture, du fait qu'il a pratiqué ou qu'il a fait certains parmi les plus grands péchés, en dehors du shirk. Et le shirk il dit wal fisq naw'an, fisq amali wa fisq i'tiqadi. Donc il dit que le fisq, il est de deux catégories. Il y en a une qui est dans un fisq dans les actions et un fisq dans les pratiques, dans les actions et dans les croyances. Il y en a un fisq dans les actions et un fisq dans les croyances. Il dit fal fisq al amali kartikab fahishat az-zina was-sariqa wa shurb al-khamr wa nahw dhalik. Il dit que le fisq qui est dans les actions, ça c'est le fisq qui a rapport avec la turpitude de la fornication ou l'adultère, ou le vol, ou bien de boire de l'alcool, ainsi de suite. Ensuite, il dit, وَكَذَلِكَ الْفِسْقُ لِعْتِقَادِ كَالْرَفْضُ وَلِعْتِزَالُ وَالْتَجَهُمُ. Donc, en ce qui concerne le fisq dans les croyances, ça, c'est comme par exemple les Rafida, la secte de la bid'a des Rafida, qui sont des gens qui ont toutes sortes de formes de shirk et de kufr. De même qu'Ali'atizal, ceux qui nient les attributs d'Allah, et At-Tajahum, c'est-à-dire ceux qui nient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des choses qui font en sorte que si quelqu'un possède ces formes de fisq, que ce soit dans les actions ou dans les croyances, il n'est pas apte à être imam. فلا يجوز تولية إمامة الصلاة لصلاة طول إمامة الصلاة الفاسق لأن الفاسق لا يقبل خبره قال تعالى يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فلا يؤمن على شرائط الصلاة وأحكامها لأنه يكون قدوة سيئة لغيره في توليته وفي ففي توليته مفاسد. الشيخ dit il n'est pas permis de mettre quelqu'un comme imam qui est fasiq, parce que le fasiq, on n'accepte pas sa parole, son information. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 6 dans sourate Al-Hujurat, ô vous les croyants, si un fasiq vient à vous avec une information, alors vérifiez-la. C'est-à-dire, si quelqu'un qui est connu comme étant un fasiq vient vous amener une information, vérifiez-la. Donc, on ne fait pas confiance aux fasiq, et en particulier pour les règles de la prière et pour les conditions de la prière. Peut-être qu'il n'est pas fiable, peut-être qu'il ne fait pas attention aux conditions et aux règles de la prière. Donc, il est un mauvais exemple. Et donc, c'est pas correct de le prendre comme imam. Ensuite, le cheikh il dit وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَأُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا وَلَا يَأُمَّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا وَلَا يَأُمُّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَخَافُ سَيْفَهُ وَصَوْتَهُ رواه ابن ماجه. Et c'est un hadith daïf, il est dans Irwa al-Ghalil, et c'est le hadith 524. Ça dit quoi? Ça dit qu'une femme ne peut pas être imam pour un homme, de même qu'un bédouin pour un muhajir, de même qu'un fajir, un pervers, pour un croyant, excepté que si le dirigeant l'a mis au-dessus, et que vous craignez son épée et son fouet. Ça c'est rapporté par Ibn Majah. Et il dit wa shahidu minhu qawluhu wa la ya'um fajirun mu'minan. Et la preuve qu'on veut prendre dans ce hadith là, c'est la partie où il est dit et qu'un pervers ne peut pas être un imam pour un croyant. Et al-fujur huwa al-udul 'an al-haq. Al-fujur c'est quoi? C'est de se détourner de la vérité. الشيخ يقول فالصلاة خلف الفاسق منهي عنها ولا يجوز تقديمه مع القدرة على ذلك فيحرم على المسؤولين تنصيب الفاسق إماما للصلوات لأنهم مأمورون بمراعاة المصالح فلا يجوز لهم أن يوقعوا الناس في صلاة مكروهة بل قد اختلف العلماء في صحة الصلاة خلف الفاسق وما كان كذلك يجب تجنيب الناس من الوقوع فيه. Donc le cheikh il dit que la prière derrière le fasiq c'est interdit. Il n'est pas permis de le placer devant alors qu'on est capable de le faire, de mettre quelqu'un d'autre à sa place. Si on est capable de mettre quelqu'un d'autre à sa place, alors, c'est-à-dire qu'il faut le faire. C'est-à-dire, si il y a un imam qui est fasiq et qu'on est capable de l'enlever sans faire trop de fitna, eh bien, dans ce cas-là, c'est mieux de l'enlever et de mettre quelqu'un à sa place qui n'est pas parmi les fusaq. Yani, que ce soit, par exemple, quelqu'un qui rase sa barbe ou bien qui fait des péchés ouvertement comme ça, et bien dans ce cas-là, yani, c'est préférable de mettre quelqu'un d'autre à sa place. Le cheikh il dit ensuite parce que les dirigeants ne doivent pas mettre un imam comme ça qui est fasiq pour diriger les prières, parce qu'ils sont ordonné et commandé de voir les intérêts des gens et le bien des gens en ce qui concerne la religion. Et donc, il n'est pas permis pour eux de mettre les gens dans la situation où leur prière va être, disons, détestable, ou bien dans le sens que leur prière sera peut-être pas acceptée. Parce que le cheikh, il dit qu'il y a certains ulama qui ont eu des différences d'opinion en ce qui concerne la prière derrière le fasiq. Et donc, si c'est ça la réalité, si c'est ça le cas, alors c'est obligatoire dans ce cas-là d'éloigner les gens de situations pareilles, de situations douteuses pareilles. Et le cheikh il dit: وَلَا تَصِحُ إِمَامَةُ الْعَاجِزِ عَنِ الرُّكُوعِ أَوْ عَنْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ قُعُودٍ إِلَّا بِمِثْلِهِ أي بِمُسَاوِيهِ فِي الْعَجْزِ عَنْ رُكْنٍ أَوْ شَرْطٍ. Le cheikh il dit que si une personne est incapable de faire le recours ou de faire le sujoud ou de s'asseoir, alors dans ce cas-là, il ne devrait pas être imam pour quelqu'un d'autre, excepté si la personne est pareil comme lui. C'est-à-dire que si la personne qui le dit, si une personne n'est pas capable de faire ces choses-là, qui sont des piliers, disons des piliers dans la prière, et bien dans ce cas-là, il ne peut pas être imam pour les gens, excepté si les gens qui sont derrière lui sont pareils que lui, dans ce sens-là. Donc le cheikh dit: wala tasihu imamatu al-ajiz an al-qiyam li qadirin alayh illa idha kana al-ajiz an al-qiyam imaman ratiban li masjid wa arada lahu ajiz an al-qiyam yurja zawalu fa tajuzu as-salatu khalfahu wa yusalluna khalfahu fi tilka al-hal julusan li qawli Aisha radiyallahu anha صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. Donc le cheikh il dit que si un imam il dit que c'est la prière de, c'est pas correct ou c'est pas accepté qu'un imam qui est incapable de se lever debout et de prier debout prie devant des gens qui sont capables de le faire. Donc si une personne n'est pas capable de prier debout, eh bien il ne devrait pas être placé comme un imam devant les gens. Excepté si cette personne-là qui n'est pas capable de se tenir debout, c'est lui qui est l'imam fixe et qu'il a eu un malaise quelconque ou une maladie et qu'on espère que cette maladie-là ou que ce malaise-là va s'en aller. Donc par exemple, supposons que l'imam de votre mosquée s'est fait mal à une jambe. Ok, il a eu un accident, il s'est frappé une jambe et on espère que, disons que sa jambe va guérir dans peu de temps. Alors dans ce cas-là, c'est permis de prier derrière lui, même si le fait qu'il soit assis, il priera assis. Dans ce cas-là, c'est correct. Sauf que dans un cas pareil, les gens qui prient derrière lui doivent prier eux aussi en position assise. Parce que Aïcha radiallahu anha, elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié dans sa maison. Et alors il n'était pas capable de prier debout, alors il a prié assis. Et les gens ont prié derrière lui debout. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait signe de s'asseoir. Alors ils se sont assis. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné après avoir fait la prière, il s'est tourné vers eux et il leur a dit aux sahaba: on a uniquement placé l'imam pour qu'il soit le guide, pour qu'on le prenne comme un exemple et pour qu'on le suive dans la prière. Donc si l'imam fait le recours, alors faites le recours. Et si l'imam se relève, alors relevez-vous. Et si l'imam s'assoit, alors priez assis. Et le cheikh il dit: wa fi riwayati Abi Huraira sallu julusan ajma'un. Dans une autre version c'est mentionné priez tous assis. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari Muslim. D'accord. Donc le cheikh il dit: wa nahwuhu an Anas 'inda Muslim wa dhalika li anna al-imam ar-ratib yahtaju ila taqdimi. Cheikh, il dit que également, ça a été rapporté selon Anas dans, par l'imam Muslim. Et Ali, il dit que ça c'est parce que l'imam Ratib, c'est lui qui qu'on a besoin de lui pour établir la salat. Donc, il faut que les gens le suivent dans la prière. Et s'il n'est pas capable de prier debout, on doit prier assis derrière lui. Hein. Et le cheikh, il dit, walau salla, walau sallaw خلفه قياما أو صلى بعضهم قياما في تلك الحال صلت صلاتهم على الصحيح وإن اختلف أو اختلف الإمام في تلك الحال من يصلي بهم قائما فهو أحسن خروجا من الخلاف وإن استخلف وإن استخلف الإمام في تلك الحال من يصلي بهم قائما فهو أحسن خروجا من الخلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف فقد فعل الأمرين بيانا للجواز والله أعلم. Donc le cheikh il dit, si la personne qui a prié derrière l'imam assis, on va dire que l'imam est malade, il ne peut pas prier debout, donc les gens, il y en a qui prient derrière lui assis et il y en a d'autres qui prient debout. Et bien le cheikh il dit que dans un cas pareil, celui qui a prié debout, sa prière est quand même valable, sa prière n'est pas annulée du fait qu'il a prié debout derrière l'imam assis, d'accord. Et il dit que si par contre, si l'imam place quelqu'un, met quelqu'un à sa place qui est capable de prier debout, il dit que c'est préférable. C'est préférable que l'imam qui est incapable de prier debout mette quelqu'un à sa place pour qu'il les guide en prière pour sortir du désaccord à ce sujet-là. Comme ça, c'est plus facile pour tout le monde. Et le cheikh, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a placé quelqu'un, il a mis quelqu'un à sa place. C'est-à-dire, il a mis à la fin de sa vie Abu Bakr. As-Siddiq radiallahu anhu, quand il était vraiment malade, hein, il a mis Abu Bakr as-Siddiq pour guider la prière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les deux choses, et donc ça nous clarifie que c'est permis. Ça nous explique que les deux sont permis. Et il dit wallahu a'lam. Ensuite il dit wa la tasihhu imamata man hadathuhu da'im كمن به سلس البول أو سلس أو خروج ريح أو نحوه مستمر إلا بمن هو مثله في هذه الآفة. Le cheikh il dit que c'est pas permis pour quelqu'un qui a toujours des impuretés, une impureté continuelle d'être imam. Comme par exemple quelqu'un qui a souffre par exemple d'incontinence, ou bien quelqu'un qui a constamment des gaz, hein? Alors cette personne-là, il ne peut pas être imam excepté pour ceux qui sont comme lui dans ce problème. Après il dit amma sahih fala tasihhu salatuhu khalfahu. Il dit d'après l'opinion correcte, il dit que la prière derrière une personne pareille n'est pas acceptée. Et c'est pas accepté de prier derrière une personne qui a ce genre de problème, comme le fait d'avoir de l'incontinence, ou quelqu'un qui ne peut pas retenir son urine, hein, ou bien quelqu'un qui a toujours constamment des gaz, hein, qui ne peut pas se contrôler. Après le cheikh il dit la prière des gens derrière une personne pareille n'est pas correcte. Il dit لِأَنَّ فِي صَلَاتِهِ خَلَلًا غير مجبور ببدل لأنه يصلى مع خروج النجاسة المناف للطهارة وإنما صحت صلاته للضرورة وبمثله لتساويهما في خروج الخارج المستمر. الشيخ الزي donc pourquoi c'est pas correct la prière derrière une personne qui a ce problème là, c'est parce que il a un problème C'est-à-dire que cette personne-là, elle a toujours une impureté qui sort de lui, et ça, ça vient en négation avec sa pureté, sa purification. Et sa prière à lui, elle est uniquement valable par nécessité. Ok? C'est comme si, du fait qu'il a ce problème-là, sa prière est valable, mais pour lui, c'est un cas de nécessité parce qu'il n'a pas le choix. Donc, il ne peut pas être imam pour les autres. Il peut juste être. Et sa prière est juste valable pour lui-même, mais il ne peut pas être valable pour les autres. Il ne peut pas être imam pour les autres. Il peut uniquement prier pour ou être imam pour des gens qui ont exactement le même problème que lui, hein, et que ils ont toujours des impuretés qui sortent d'eux-mêmes continuellement, comme lui. Après, il dit وَإِنْ صَلَّ خَلْفَ مُحْدِثٍ وَإِنْ صُلِّيَ خَلْفَ مُحْدِثٍ أو متنجس ببدنه أو ثوبه أو بقعته لم يكونا يعلمان بتلك النجاسة أو الحدث حتى فرغ من الصلاة صحت صلاة المأموم دون الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم. Cheikh, il dit ici que si par exemple l'imam a prié et les gens ont prié derrière lui, toutefois l'imam avait eu une impureté, il avait perdu son wudu, ou bien il avait une impureté sur son corps ou sur ses vêtements ou à l'endroit où il priait, et il n'a pas été au courant, ni lui ni les gens qui prient derrière lui n'étaient au courant de cette impureté là. Alors, dans ce cas-là, c'est-à-dire ils l'ont seulement su après qu'ils ont terminé de prier. Dans ce cas-là, la prière des gens qui ont prié derrière lui, leur prière est valable. Toutefois, la prière de l'imam n'est pas valable. C'est-à-dire parce que c'est lui qui avait une impureté sur lui ou à l'endroit où il priait, donc c'est pas valable pour lui. Sa prière n'est pas valable pour lui. Toutefois, les gens qui ont prié derrière lui, eux, leur prière est correcte, ils n'ont pas besoin de la refaire. Et le cheikh, il mentionne une parole ici qui dit, une parole qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, si une personne prie pour des gens et qu'il est junub, il a une impureté, alors il refait sa prière, toutefois les gens, eux, leur prière est correcte, ils n'ont pas à refaire leur prière. Et ça, il dit que c'est rapporté par Ad-Darqutni et Al-Bayhaqi, selon Al-Bara ibn Azib. Toutefois, ici, j'ai pas trouvé le hadith dans les livres de référence. Donc, encore ici, j'ai un doute sur la question d'authenticité. Le cheikh dit, « Wa cheikh al-Islam ibn Taymiyyah » يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين فإنهم صلوا بالناس ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة فأعادوا ولم يأمروا الناس بالإعادة وإن علم الإمام أو المأموم بالحدث أو النجاسة في أثناء الصلاة بطلت صلاتهم. Ça c'est les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah. Il dit que ça, c'est l'exemple qu'on a parlé tout à l'heure en ce qui concerne le fait que lorsque l'imam s'aperçoit après la prière qu'il avait une impureté sur lui, et bien que la prière des gens elle est valable mais que la sienne n'est pas valable, il dit que c'est ça qui était la sunna des successeurs bien guidés après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient l'habitude de prier, de guider les gens dans la prière, puis lorsqu'après la prière ils réalisaient qu'il y avait par exemple une janaba, hein, une impureté après leur prière, peut-être que ils ont réalisé qu'ils avaient une impureté, eh ben ils refaisaient leur prière, mais ils ne demandaient pas aux gens de refaire leur prière. Et il dit que si l'imam ou bien les gens qui ont prié derrière étaient au courant de l'impureté durant la prière, il dit leur prière à eux est toute invalable aussi, elle est toute invalide aussi. C'est-à-dire, s'ils étaient au courant de l'impureté durant la prière, dans ce cas-là, يعني leur prière n'est pas valable. Et il dit وبعض العلماء يرى أن الصلاة المأمومين لا تبطل وأن الإمام في هذه الحالة يستخلف ويكمل الصلاة بهم. Le cheikh il dit que dans un cas pareil, il y a une note en bas de page qui dit que certains ulama, ils ont l'opinion ou ils sont du point de vue que lorsque l'imam perd sa pureté durant la prière, alors leur prière n'est pas invalide, leur prière n'est pas nulle. Qu'est-ce qui arrive dans un cas pareil? C'est que l'imam, dans un cas pareil, il prend quelqu'un dans le rang derrière lui et il le met à sa place. Et lui, il sort de la prière. D'accord? Ça, c'est une des exemples. Il y a des hadiths qui ont été mentionnés à ce sujet-là. D'accord? Donc, ça arrive pas souvent. Mais dans un cas pareil, c'est ce qu'il faut faire. Et ça, c'est une position de certains ulama. Le cheikh, il dit, وَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ الْأُمِّي وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا من لا يحفظ سورة الفاتحة أو من لا يحفظ سورة الفاتحة أو يحفظها ولكن لا يحسن قراءتها كأن يلحن فيها لحنا يحيل المعنى ككسر الكاف وضم التاء ككسر كاف إياك au lieu de dire, en tout cas je vais l'expliquer après, وَضَمِّتَ أَنْعَمْتَ وَفَتْحِ هَمْزَ إِهْدِنَا. Donc il dit أَوْ يُبْدِلُ حَرْفًا وَيُبَدِّلُ حَرْفًا بِغَيْرِهِ وَهُوَ الْأَلْثَرُ كمثل كمن يبدل الراء غينا أو لاما أو السين تاء ونحو ذلك فلا تصح إمامة الأمي إلا بأمي مثله لتساويهما إذا كانوا عاجزين عن إصلاحه فإن قدر الأمي على الإصلاح لقراءته لم تصح صلاته ولا صلاة من صلى خلفه لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه. الشيخ il explique ici en ce qui concerne la personne qui ne sait rien du tout, ne sait pas lire même al-Fatiha et qui ne sait pas lire comme il faut. Il dit que c'est pas correct pour lui d'être imam. Et quand il parle de al-ummi, c'est-à-dire la personne qui est analphabète, c'est-à-dire la personne qui ne peut même pas mémoriser surat al-Fatiha comme il faut. Ou bien s'il la mémorise, mais il ne la récite pas comme il faut. Et quand il la récite, il change sa signification. Il récite, il déforme la prononciation d'une façon qui fait changer la signification des mots et qui déforme la signification. Donc il dit par exemple, comme quand on dit Iyaka dans Al-Fatiha, au lieu de dire Iyaka, il dit Iyaki. Ou bien quand il dit An'amta, au lieu de dire An'amta, il dit An'amtu. Ou bien dans Ihdina, au lieu de dire Ihdina, il dit Ahdina, ou bien des choses comme ça. Ou bien, par exemple, il transforme les lettres. Certaines lettres, il les prononce d'une autre façon. Comme par exemple, le Ra, au lieu de dire Ra, il le prononce Rain. Ou bien un Lam. Ou bien le Sin, il le prononce comme un Ta. Ou des choses comme ça. Il dit que des personnes comme ça, ils n'ont pas le droit d'être imam. Ils ne peuvent pas être pris comme imam, excepté s'ils dirigent la prière pour des personnes qui sont pareilles comme lui, dans la prononciation. S'ils sont incapables de le corriger. Mais toutefois, s'ils sont capables de le dire comme il faut, de réciter comme il faut, alors dans ce cas-là, s'ils sont capables, il dit, le cheikh dit, si la personne est capable de corriger cette ummi, mais ici je ne vois pas exactement qu'est-ce qu'il veut dire, le cheikh paf al-islah, parce qu'il dit, فإن قدر الأم على الإصلاح لقراءته لم تصح صلاته ولا صلاة من صلى خلفه لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه. Donc il dit, si la personne est capable de corriger sa récitation, mais s'il n'est pas capable de corriger sa récitation, sa prière n'est pas valable, et ni la prière de ceux qui ont prié derrière lui. Mais s'il n'est pas capable, sa prière est valable. Hein? Il dit pourquoi? Parce qu'il a abandonné un pilier, c'est-à-dire la surat al-Fatiha, c'est un pilier, et il l'a abandonné alors qu'il est capable de le corriger. Et là, s'il dit le cheikh ici, s'il est capable de corriger sa récitation, je me demande si le cheikh veut dire s'il est capable de le corriger durant la lecture, c'est-à-dire est-ce qu'il va lui faire la correction durant la récitation pendant qu'il est dans la prière, ou bien parce que parfois si cette personne-là fait beaucoup d'erreurs, eh bien, même si on est capable de la corriger, la personne fait des erreurs parfois que peut-être cette personne est incapable de les corriger. Parce que des fois, c'est une difficulté que la personne a dans sa langue. Hein? Et donc, même si tu le corriges, il va quand même répéter toujours la même erreur. Donc, dans un cas comme ça, Allahu A'lam, peut-être qu'il faudrait demander plus de clarification à ce sujet-là. Toutefois, surtout par exemple, quand des personnes sont converties et qui ne sont pas arabes, ou qui ne connaissent pas la langue arabe comme il faut. Donc quand ils récitent certaines lettres dans le Coran, ils ont de la difficulté à les faire sortir. Et donc, si des personnes ont cette difficulté-là à prononcer certaines lettres, et que ça change le sens du verset, et bien dans ce cas-là, ils ne devraient pas être mis de l'avant comme en tant qu'imam dans la prière. Wallahu a'lam. Après ça, le cheikh dit, « وَيُكْرَحْ أن يأم الرجل قوما أكثرهم يكرهه بحق بأن تكون كراهتهم لها مصوغ من نقص في دينه، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي. نعم. Donc le cheikh il dit que si des gens, la plupart des gens n'aiment pas quelqu'un avec raison, c'est-à-dire quand on dit avec raison, c'est-à-dire ils ont une raison valable de ne pas l'aimer, dans le sens que quelque chose qui a rapport avec la religion, ok? Donc quelqu'un a une raison de détester une personne à cause de sa religion, il le déteste à cause de quelque chose qui a rapport avec la religion, dans ce cas-là il ne devrait pas être placé comme imam pour les gens, à cause du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il y a trois personnes que leurs prières ne dépassent pas leurs oreilles, et un esclave qui s'est enfui jusqu'à ce qu'il revienne, une femme que son mari s'est endormi ou s'est couché fâché contre elle, et un imam, quelqu'un qui imam pour des gens alors que eux ne sont pas, c'est-à-dire ils n'aiment pas qu'ils soient l'imam pour eux. Et ça c'est rapporté par Tirmidhi. J'ai vérifié pour voir dans Tirmidhi, et le Cheikh Al-Albani l'a déclaré Hassan. Il y a le cheikh, il mentionne ensuite les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il dit قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كانوا يكرهونه لأمر في دينه مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته ونحو ذلك ويحبون آخر أصلح منه في دينه مثل أن يكون أصدق وأعلم وأديان فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الذي يحبونه وليس لذلك الرجل الذي يكرهونه أن يأمهم كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم et il a mentionné le hadith. Donc il dit le sheikh, il mentionne les paroles d'Ibn Taymiyyah. Il dit que si les gens détestent quelqu'un pour une raison dans sa religion, soit parce qu'il ment, ou parce qu'il est injuste, ou parce qu'il est ignorant, ou parce qu'il a une bid'ah, et qu'ils aiment quelqu'un d'autre parce qu'il est meilleur dans sa religion, parce que par exemple, il est plus sincère, il a plus de connaissances, il est plus religieux, eh bien, dans ce cas-là, c'est obligatoire pour eux de prendre cette personne-là et de le mettre comme imam sur eux. Et il dit que la personne qu'il déteste ne doit pas être imam pour eux. Et il a mentionné comme preuve un hadith semblable à celui qui a été mentionné. Après, dit وقال أيضا إذا كان بينهم معادة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغي أن يأمهم لأن المقصود بالصلاة جماعة أن يتم الائتلاف وقال عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. Le cheikh dit que si par exemple il y a une animosité entre les gens et l'imam et que cette animosité là a rapport avec les animosités qu'on a contre les gens de Bid'a et de Ahwa et qui suivent d'autres voies, et eh bien dans ce cas-là, il ne doit pas être imam pour eux. Parce que le but de la salat en jama'a, en groupe, c'est de réunir les gens et de les rassembler et disons qu'ils soient unis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ne vous divisez pas, ne soyez pas divisés pour pas que vos cœurs se divisent. Quand il mettait les gens droits dans les rangs, il alignait les rangs, il disait aux gens une chose comme ça. C'est-à-dire, ne soyez pas croches dans vos rangs, parce que sinon vos cœurs seront divisés. Ensuite, il dit وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ ذَا دِينٍ وَسُنَّةٍ فَكَرَهُهُ لِذَلِكَ لم تكره الإمامة في حقه وإنما العتب أو العتب على من كرهه. Il dit toutefois, si l'imam est un imam qui a de la religion et qui est sur la sunna et que les gens le détestent pour ça, alors dans ce cas-là, son imam, le fait qu'il soit imam, dans son cas, ce n'est pas quelque chose de blâmable ou de détestable, parce que le blâme est sur les gens qui l'ont détesté. Parce qu'ils l'ont détesté pour une mauvaise raison. Ils l'ont détesté parce qu'il est sur la sunna. Et dans ce cas-là, le blâme est sur eux. Il dit wa ala kullin fayanbaghi al-ittilaf bayna al-imam wal-ma'mumin wa at-ta'awun 'ala al-birr wat-taqwa wa tark at-tashahun wat-tabaghud tab'an lil-ahwa'i wal-aghrad ash-shaytaniyya. Il dit que de toute façon, il faut que les gens soient unis entre l'imam. Il faut qu'il y ait une harmonie entre l'imam et les gens qui prient derrière lui. Et il faut qu'ils s'encouragent au bien et la piété. Et il faut qu'ils abandonnent la haine et les mauvais sentiments qu'ils ont entre eux. Et qu'ils laissent tomber les passions et les mauvais intérêts diaboliques, yani, que le shaitan peut mettre dans le cœur des gens. Et il dit فيجب على الإمام أن يراعي حق المأمومين ولا يشق عليهم ويحترم شعورهم ويجب على المأمومين أن يراعوا حق الإمام ويحترموه. Donc il dit c'est obligatoire pour l'imam de faire attention et de prendre en considération le droit des gens qui prient derrière lui et qu'il ne rende pas les choses difficiles pour eux. De même qu'ils doivent respecter, l'imam doit respecter également leurs sentiments et également les gens qui prient derrière l'imam doivent respecter l'imam et doit, disons, prendre en considération son droit. وبالجملة فينبغي لكل منهما أن يتحمل ما يواجهه من الآخر من بعض الانتقادات التي لا تخل بالدين والمروءة والإنسان معرض للنقص ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه هذا نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. Le cheikh il dit en général, il faut que l'imam ainsi que ceux qui prient derrière lui fassent preuve de patience les uns envers les autres dans ce qu'ils ont dans ce qu'ils s'affrontent. Il y en a parfois au sujet des choses auxquelles ils s'affrontent et les choses auxquelles ils ont à faire face les uns envers les autres. Que ce soit par exemple à cause de certaines critiques qui n'ont pas rapport avec la religion et avec les bonnes mœurs. Une personne, tout le monde a des faiblesses et tout le monde a des fautes, personne n'est parfait. Et donc le cheikh il dit que c'est suffisant pour une personne qu'on soit capable de compter ses défauts. Ça devient en fait une qualité lorsqu'on est capable de compter tes défauts, parce que ça veut dire que tu n'en as pas beaucoup. Donc le cheikh il dit donc on demande à tout le monde la guidance et le succès. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et inshallah on se retrouve inshallah la semaine prochaine pour continuer notre dars. Et la semaine prochaine c'est Bab فيما يشرع للإمام في الصلاة. Chapitre au sujet de qu'est-ce qui est légiféré pour l'imam en ce qui concerne comme les règles en ce qui concerne la prière pour l'imam. Qu'est-ce qu'il doit faire en tant qu'imam et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. On continuera la semaine prochaine. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وزادكم الله حرصا وخيرا وفضلا وعلما آمين. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.